Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamezo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 5 juin, nous souhaitons une bonne fête au Igor, ça vient du germanique, signifiant fils. Protection. Réservés, méfiants et prudents, les Igors ne sont pas très à l'aise dans les rapports humains. Derrière leur abord froid et distant se cache une sensibilité douloureuse car difficile à exprimer. Aussi gagnent-ils à être connus. Ils ont peu confiance en eux-mêmes et sont des inquiets, doutant sans cesse, en proie au scepticisme, voire au pessimisme. Peu instinctifs, ces hommes préfèrent s'appuyer sur les démarches sensées de leur jugement et croient davantage en leur effort personnel, leur capacité de travail, leur discipline qu'en la chance pure. Ils ont des principes, une moralité un peu stricte, des scrupules plus ou moins étouffant, il manque souvent de souplesse et d'adaptabilité et tend à être obstiné. Il déteste ce qui est artificiel ou léger et un homme stable recherche la sécurité, notamment sur un plan financier, d'où une nette tendance à l'économie. Ils avancent lentement mais sûrement et ne sont pas ennemis d'une certaine routine, la fantaisie leur faisant parfois défaut. Écologistes dans l'âme, ils sont proches de la nature ou également horreur du bruit, de la foule et recherchent un certain isolement. Dicton du jour, prépare autant de tonneaux qu'en juin tu compteras de beaux jours. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'environnement, instaurée par l'ONU, mais c'est tous les jours qu'on doit prendre soin de notre environnement. Journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, adoptée par l'ONU en décembre 2017. Au Danemark, c'est fête nationale et jour de la Constitution et en Nouvelle-Zélande, c'est le jour de l'arbre. Dans les événements qui se sont déroulés un 5 juin, en 1662, Louis XIV prenait le soleil comme emblème. 1882, inauguration du musée Grévin à Paris. 1883, inauguration de l'Orient Express à Paris également. Et en 1947, à l'université Harvard, le secrétaire d'État américain George Marshall annonçait la création d'un plan d'aide à la reconstruction économique de l'Europe, le fameux plan Marshall. Voilà pour les petits points historiques à quelques jours du brevet et du bac. Ça fait pas de mal. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec les Fall Out Boy et leur titre Dance Dance. She says she's no good with words, but I'm worse. But they started out a joke of a romantic stuck to my tongue. Way down with words too overdramatic. Tonight it's a can't get much worse. Worse no one should ever feel like. I'm two quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. So you need them just to get by. Always fold just before you found out. Drink up, it's last call, last resort, but only the first mistake. I'm two quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. So you need them just to get by. We'll be right back. Les Fall Out Boy sur RGM, pile 8h36, on fait maintenant un point anniversaire avec ceux qui sont nés un 5 juin 1949, naissance de Guy Carlier, chroniqueur français, également auteur de chansons. Il a notamment écrit « Il n'y a pas que les grands qui rêvent » pour Mélodie, « China Song » pour Gilbert Bécaud ou encore « Ceux qui ne tuent pas nous rend plus forts » pour Johnny Hallyday. 1962, naissance d'Astrid de Belgique, princesse royale belge. 1965, naissance d'Elisabeth Buffet, humoriste française, également actrice, vue au cinéma dans Nos plus belles vacances, dans le rôle de Germaine Dufour. 1971, naissance de Mark Wahlberg, acteur américain, vu dans Opération Shakespeare, Les Truands, En pleine tempête, La planète des singes, dans le rôle du capitaine Léo Davidson, Braquage à l'italienne, dans le rôle de Charlie Crocker, Quatre frères, Les Infiltrés, dans le rôle du sergent Sean Dignam, Shooter, tireur d'élite, dans le rôle de Bob Lee Swagger, Ted 1 et 2, dans le rôle de John Bennett, Transformers, L'ère de l'extinction et Transformers, The Last Night, dans le rôle de Kate Yeager, Very Bad Dads 1 et 2, dans le rôle de Dusty Meron, vu également dans la série Entourage, producteur de la série Entourage, des saisons 1 à 8, producteur exécutif de la série Boardwalk Empire, et producteur exécutif également de la série télé Shooter, avec Ryan Philippe. 1977, naissance de Navi Rawat, actrice américaine, vue dans la série Newport Beach, dans le rôle de Teresa, de la série Numbers, dans le rôle d'Amita Ramanujan, Castle, Grey's Anatomy, ou encore le film La Voix des Crimes, dans le rôle de Freya McAllister. 1979, naissance de Pete Wentz, bassiste du groupe américain Fall Out Boy, vue également dans les séries télé Les Frères Scott, Californication, ou encore Degrassi, La Nouvelle Génération. 1981, naissance de Sébastien Lefebvre, guitariste du groupe québécois Simple Plan. 1984, naissance de Cécilia Cara, chanteuse-actrice française, connue grâce à son rôle de Juliette Capulet dans la comédie musicale Roméo et Juliette, vue à la télévision dans Joséphine Ange Gardien ou encore Camping Paradis. 1995, naissance de Troy Sivan, acteur australien, connu pour son rôle de Logan, alias Wolverine, enfant dans X-Men Origins Wolverine. 2003, naissance d'Aurélie Godet, wakeboardeuse française qui a notamment gagné les championnats du monde en février dernier, qui ont eu lieu en Argentine. En 2002, décédé Didier Ramon, bassiste du groupe punk rock The Ramones, et on écoute d'ailleurs un de leurs extraits, Baby I Love You. Voilà pour l'extrait du groupe The Ramones. En 2004, décédé Ronald Reagan, qui fut le 40e président des États-Unis d'Amérique de 1980 à 1989. Allez, comme tous les mercredis, on fait un point sur les sorties cinéma. Et on commence tout de suite avec X-Men Dark Phoenix, un film d'aventure de science-fiction de Simon Kinberg avec Sophie Turner, James McAvoy ou encore Michael Fassbender. Autre film, Parasite, un thriller de Bong Joon-ho avec Song Kang-ho, Lee Sin-kyun et Cho Yen-jong. Autre film, Ma, thriller épouvante d'horreur de Tate Taylor avec Octavia Spencer, Diana Silvers ou encore Juliette Lewis. Autre film, Piranha, un drame de Claudio Giovannesi avec Francesco Di Napoli, Arm Thème et Viviana Aprea. Autre film, L'autre continent, romance de Romain Cogitore avec Déborah François, Paul Amy ou encore Vincent Pérez. Et enfin, dernier film, Les Particules, drame fantastique de Blaise Harrison avec Thomas Dalloz, Néa Luders et Salvatore Ferro. Allez, tout de suite, petite pause avec les Simple Plan en duo avec Sean Paul sur le titre Summer Paradise. I gotta find my way back, back to summer paradise. Sean Paul, Simple Plan. Mon cœur s'enfonce et je m'envole dans cet avion qui m'emmène loin de toi. Et j'ai du mal à croire qu'on se quitte. Dis-moi que c'est bien la dernière fois. Mais un jour, je te retrouverai ici, mon amour, sous l'ombre des palmiers. Mon amour sous l'ombre des palmiers. Simple Plan, Sean Paul, Summer Paradise sur le 107FM. Un peu plus de 8h44 et il est temps pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Et une journée estivale encore aujourd'hui, en tout cas pour une bonne partie de la journée, puisque à partir de 17h, on devrait avoir des orages. Mais en attendant, des températures comprises entre 18 et 19 degrés ce matin, entre 29 et jusqu'à 31 degrés prévus pour cet après-midi. Pour les jours suivants, les températures vont diminuer un petit peu, ça va pas faire de mal. Jeudi, soleil avec quelques nuages, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 18 et 20 degrés prévus pour demain après-midi, et vendredi devrait être une journée mitigée, alternance d'éclaircies et de pluie, avec des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin et entre 24 et 25 degrés prévus pour vendredi après-midi. Voilà pour la météo. On va faire maintenant un point sur les événements qui ont lieu près de chez nous. On commence avec l'exposition Femme, Femme, Femme. L'exposition Femmes. Il est toujours possible d'aller voir l'exposition Femmes les mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 17h30 et ce jusqu'au 6 juin 2019. Cette exposition donne un aperçu de la vie des femmes de jadis. Morceaux de vie quotidienne et grands faits historiques font renaître des existences trop souvent méconnues. Penchons-nous sur ces reflets de femmes que nous racontent les archives. C'est donc, je le rappelle, jusqu'au 6 juin de 13h30 à 17h30 les mardis, mercredis et jeudis. L'entrée est gratuite et pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'organisme au 03 29 62 59 04. Voilà pour Femmes. Maintenant, le vide-grenier du Rumont. L'association des usagers du centre social en partenariat avec Vaugilis, l'association culturelle du Rumont, la ville de Remiremont, le département ainsi que la CAF organise un vide-grenier le 8 juin à Remiremont au lieu dit du Rumont. Pour plus de renseignements, je vous invite à contacter Olivia Després, l'organisatrice du vide-grenier, à l'adresse mail suivante olivia.desprez@remiremont.fr. Et on passe maintenant à la marche des 1000 marches. La ville de Plombières-les-Bains organise sa 4e édition de la marche des 1000 marches le samedi 8 juin. Départ à 13h au parc impérial près de l'étang du parc et retour à 16h au même endroit. Voilà donc pour les petits événements qui ont lieu dans le coin et on continue avec le mouvement citoyen Nous voulons des coquelicots stop aux pesticides qui organise un rassemblement à Remiremont ce vendredi 7 juin à 18h30 place de l'Abbaye devant la mairie. Ce rassemblement a pour but d'exiger des responsables politiques l'interdiction des pesticides, herbicides, fongicides de synthèse. Toute la population est invitée à cette manifestation pour affirmer sa détermination d'un environnement et d'une alimentation sain et dépourvue de toute pollution. Chacune et chacun peut aussi soutenir ce mouvement en signant la pétition sur internet en se rendant sur le site nous voulons des coquelicots tout attaché.org. Et à presque 8h48, eh bien il est temps pour nous de faire un petit point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on va parler grandement tennis avec encore le tournoi de Roland-Garros qui a été perturbé par la pluie hier hein, pendant une bonne heure. Ça a perturbé les matchs de Rafael Nadal et Nishikori et de Federer et de Stan Wawrinka. Alors Nadal n'a fait qu'une bouchée du japonais. Hein. L'espagnol s'est imposé en 3-7, 6-1, 6-1, 6-3. Et le duel 100% suisse eh bien, nous a fait vibrer jusqu'au bout. Et victoire de Roger Federer en 4-7, 7-6, 4-6, 7-6, 6-4. Vous l'aurez donc compris, en demi-finale, eh bien, ce sera Federer face à Nadal. La demi-finale que tout le monde attendait, que tout le monde rêvait. La dernière fois que les deux se sont rencontrés en demi-finale à Roland-Garros, c'était il y a 14 ans et c'était ben ensuite hein, la victoire de Rafa Nadal et Roger Federer a déclaré « Je suis revenu sur terre pour jouer Rafa ». Donc voilà, Rafa Nadal est prévenu et la demi-finale promet hein, vendredi après-midi. Si vous pouvez être devant votre télé, surtout ne ratez pas cet événement. Et aujourd'hui, Novak Djokovic affrontera Alexander Zverev et Dominic Thiem sera opposé à Khachanov. Côté féminin, à noter la victoire de Konta en 2-7 face à la tête de série numéro 7, Sloane Stephens, 6-1, 6-4. Et Vondrousova s'est qualifiée en 2-7 face à Martic, tête de série numéro 31, 7-6, 7-5. Aujourd'hui, Alep affrontera Anisimova et qui sera opposé à Barty. À noter qu'en double, messieurs, Jérémy Chardy en duo avec Martine eh bien, se sont qualifiés pour les demi-finales. Et en double dame, Kristina Mladenovic en duo avec Timea Babos, se sont qualifiées elles aussi pour les demi-finales. Allez, il n'y a pas que du tennis, il y a également du football avec le mondial U20. Et malheureusement, c'est la fin de l'aventure pour l'équipe de France qui s'est inclinée en 8e de finale face aux États-Unis. 3-2. En basket, en Pro B, quart de finale, c'était la belle hier soir et défaite au buzzer de Nancy. 83-84 face à Saint-Chamond. C'est donc la fin de cette belle saison pour Nancy. Et un mot de rugby avec les championnats du monde U20. Les Bleuets se sont imposés face aux Fidji 36-20. Voilà pour l'actu sportive. Va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Cécilia Cara en duo avec Florent Pagny sur le titre L'air du temps. te rendre les clés de mes plus belles nuits. Cara, Florent Pagny, l'air du temps sur RGM. Et il est un peu plus de 8h54, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 10h, les ados avec l'IME de Saint-Amé. 11h30, en route vers l'insertion avec Chris. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. 14h, le prix ado avec Yann Fastier. À 15h, Bollecker. 17h30, oui, nouvel horaire pour 90 minutes pour Boomerang. 20h, Nothing But The Blues. 21h, la rediffusion de Vivre et Créer à la Montagne avec Vincent. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.